بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 30 dans l'explication du livre قرة عيون الموحدين du Cheikh Mohamed, en fait c'est le Kitab al-Tawhid, le Cheikh Mohamed ibn Abdul Wahhab, expliqué par son petit-fils le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan et les commentaires de Cheikh Salih al-Fawzan, hafizahullah ta'ala. Et on est toujours dans le chapitre Bab Fadl al-Tawhid wa ma yukaffiru min al-dhunub. Donc le mérite du Tawhid est ce qu'il expie comme péché. Et aujourd'hui, on commence à expliquer le deuxième hadith du chapitre. Le premier hadith qui était le hadith de Usama ibn Samit. Hein, et on l'a expliqué en détail. Ce hadith-là, surtout la partie où le prophète sallallahu alayhi wa sallam mentionne la question de Isa, hein, alayhi salam, et le fait que c'est un messager, un serviteur et messager. Donc on a expliqué ça en détail. Maintenant on passe au second hadith dans le chapitre, qui est le hadith de Itban. Et donc on a expliqué au dernier cours le contexte de ce hadith, hein, le hadith de Itban, et on a dit que son nom c'est Itban ibn Malik al-Ansari, et qu'ils étaient réunis dans la maison de Itban, hein, ou bien, attends, est-ce que c'était dans, oui c'est ça, la maison de Itban ibn Malik al-Ansari, et ils ont posé la question à propos de quelqu'un qui était absent, qui s'appelle Malik ibn al-Dakhsham ou al-Dakhsham. Et ils ont dit, ça c'est un hypocrite, il n'aime pas Allah et son messager. Alors le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, n'est-ce pas qu'il dit la ilaha illallah? Ils ont dit, Allahu wa rasuluhu a'lam. Sauf que quand on le voit, on voit qu'il aime seulement les munafiqin et il parle qu'avec les munafiqin. Alors quand ils ont dit ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. C'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala a interdit à l'enfer, hein, toute personne qui dit la ilaha illallah, c'est-à-dire que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et qui recherche par cela le visage d'Allah. Et quand on dit le visage d'Allah, c'est-à-dire c'est pour exprimer la sincérité, hein, pour exprimer la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire qu'il ne recherche rien d'autre que l'agrément d'Allah, hein, et son visage. Donc pour expliquer, pour rentrer un peu plus en profondeur dans ce hadith là, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan il dit wa qawluhu wa lahuma ay al-Bukhari wa Muslim wa hadha hadith tawil ikhtasarahu al-musannif وذكر منه ما يناسب الترجمة وهو قوله من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله وهذا هو حقيقة معناها الذي دلت عليه هذه الكلمة من الإخلاص ونفي الشرك من الإخلاص ونفي الشرك والصدق والإخلاص متلازمان لا يوجد أحدهما بدون الآخر فإن لم يكن مخلصا فهو مشرك وإن لم يكن صادقا فهو منافق والمخلص أن يقولها مخلصا الإلهية لمن لا يستحقها غيره أن يقولها مخلصا الإلهية لمن لا يستحقها غيره وهو الله سبحانه وتعالى وهذا هو التوحيد هذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي قال فيه الخليل عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك والخليل عليه السلام وقال الخليل عليه السلام إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين والحنيف هو الذي ترك الشرك رأسا وتبرأ منه وفارق أهله وعاداهم وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده. Donc on va expliquer ce passage. Le Cheikh explique donc lahuma, c'est-à-dire rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est un long hadith qui a été résumé ici par l'auteur, le Cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah, dans lequel il mentionne, il se limite à mentionner du hadith ce qui correspond au titre de ce chapitre. Hein? C'est-à-dire qu'il a coupé la partie du hadith qui était au début, et il s'est limité à mentionner la partie du hadith qui concernait le sujet dont il est question dans ce chapitre dans Kitab al-Tawhid, dans le but de résumer, dans le but de se concentrer sur le plus important. Et donc ici il dit, le Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, et c'est lorsqu'il dit, celui ou quiconque dit la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et qui recherche par cela le visage d'Allah. Donc le Cheikh Al-Fawzan, il fait un commentaire ici. Donc on va lire son commentaire. Il dit: wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man qala la ilaha illallah jawab awwal al-hadith alladhi ikhtasarahu al-musannif wa huwa fa inna Allah harrama 'ala an-nar man qala la ilaha illallah. والرسول صلى الله عليه وسلم ذب عن هذا المسلم الغائب بسبب توحيده وقوله فإن الله حرم على النار التحريم المنع أي منعه من دخول النار وحرم النار أن تمسه بسبب توحيده وفي هذا بيان فضل التوحيد وأن الله يحرم صاحبه على النار. Donc le Cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il explique, il dit, donc quiconque dit la ilaha illallah, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit quiconque dit la ilaha illallah, ou que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, eh bien ça, il dit, c'est la réponse par rapport au hadith qui a été résumé. Hein, c'est la réponse au début du hadith, lorsqu'il dit, car Allah a certes interdit à l'enfer toute personne qui dit la ilaha illallah. Et ici, le messager sallallahu alayhi wa sallam, il défend un individu qui était absent, qui ne se trouvait pas là avec eux, à cause de son tawhid. À cause de son tawhid. Et il dit, le Cheikh, car Allah certes a interdit à l'enfer, et l'interdiction ici, ça signifie d'empêcher, ou de d'empêcher que l'enfer le brûle, wa alaykoum salam, ou bien l'empêcher d'entrer en enfer. Donc Allah subhanahu wa ta'ala interdit que la personne qui a dit la ilaha illallah entre en enfer ou soit touchée par le feu de l'enfer à cause de son tawhid. Et ça, c'est quelque chose qui nous indique le mérite et la valeur importante du tawhid. Que Allah subhanahu wa ta'ala empêche la personne qui a dit cette parole en recherchant le visage d'Allah uniquement, de brûler en enfer ou d'être brûlé par le feu. Il dit: wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallam man qala la ilaha illallah ay talaffaza biha bi lisanihi mu'taqidan ma'naha fi qalbihi qasidan biha wajha Allah sallallahu wajha Allah subhanahu wa ta'ala. فقوله يبتغي بذلك وجه الله قيد يخرج من قالها نفاقا فدل ذلك على أن التلفظ بها لا يكفي حتى يخلص في قوله حتى يخلص في قوله في قولها ويقصد بها وجه الله عز وجل فهذا يقيد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه الذي سبقه من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أدخله الجنة فهذا مطلق يقيده حديث عتبان رضي الله عنه لأنه لا بد أن يكون مع ذلك قاصدا وجه الله يعني مخلصا لله عز وجل فلا يقصد بهذه الكلمة طمعا من مطامع الدنيا ولا يقصد بها رياء ولا سمعة. ثم فيه أن هذه الكلمة لا بد أن يؤتى بها كلها، فلا يكفي أن يقول الله الله كما تقوله الصوفية، أو هو هو كما تقوله خواصهم، فهذا ليس ذكرا لله عز وجل ولا يؤدي الغرض المطلوب. لا بد أن يقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. Donc le cheikh il dit, quiconque donc a dit, comme on a mentionné dans le hadith, quiconque dit la ilaha illallah, rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, c'est-à-dire quiconque prononce cela avec sa langue en croyant la signification de cette parole avec son cœur, et en ayant l'intention de, en prononçant cette parole, de chercher l'agrément d'Allah seulement et le visage d'Allah uniquement, ça c'est lorsqu'il dit yabtari bidhalika wajha Allah, il recherche par cela uniquement le visage d'Allah, ça c'est une clause ou une restriction dans la parole qui fait sortir celui qui aurait prononcé la ilaha illallah avec hypocrisie, avec hypocrisie. Et donc c'est la preuve que le fait de prononcer la ilaha illallah seulement, de le prononcer avec la langue seulement, sans y croire avec le cœur ou bien sans être sincère, eh bien ça ne vaut rien et ça ne coûte, ça ne va pas être suffisant de la part de cette personne, jusqu'à ce qu'il l'ait dit en la disant avec sincérité et avec pureté dans son cœur et dans son intention lorsqu'il l'a dit. Et donc ça c'est ce qui fait sortir le nifaq, c'est ce qui exclut le nifaq de la personne qui dit ce genre de qui dit ce témoignage. Et donc il dit il faut qu'il la prononce cette parole en recherchant uniquement le visage d'Allah, et c'est ça ce qui vient limiter ou restreindre spécifier la parole qui est mentionnée, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est mentionnée dans un autre hadith qui est rapporté par Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque dit la ilaha illallah entrera au paradis. Donc quiconque dit la ilaha illallah, il entrera au paradis. Ça c'est le hadith dans son sens absolu. Dans son sens absolu, c'est-à-dire quand il n'y a aucune restriction, aucune condition mentionnée avec. Sauf que ce hadith, comme vous le savez, les ulama, ils disent, quand on veut comprendre une question ou un sujet, on ne peut pas se limiter à prendre un seul texte ou un seul verset ou un seul hadith pour comprendre un sujet dans la religion. Il faut ramener les différents hadiths qui parlent d'un sujet et les mettre ensemble pour comprendre le sujet en détail et voir s'il n'y a pas des conditions, des clauses, des restrictions, des limitations, des explications ou des détails qui sont mentionnés dans d'autres hadiths. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il expliquait parfois certaines choses dans un certain contexte et il mentionnait la chose de façon générale. Et dans un autre contexte, il mentionnait les choses d'une manière plus spécifique pour clarifier et expliquer certains aspects qui étaient nécessaires d'expliquer à un certain moment donné. La même chose que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, dans certains versets, il mentionne certaines règles générales. Puis ces règles générales, il les explique en détail dans d'autres versets. Donc on ne peut pas prendre seulement un verset qui est général et laisser les autres versets qui détaillent ou qui spécifient certaines questions qui ont rapport avec le même sujet. Il faut les ramener ensemble pour les comprendre correctement et après avoir l'image complète de cette question. Et donc ici on voit un exemple parfait de ça, puisque dans la version ou dans le hadith de Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, il y a la mention du témoignage de la ilaha illallah, et que quiconque le mentionne entrera au paradis. Quiconque dit la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, il va rentrer au paradis s'il témoigne de ça. Mais il n'y a pas de condition ou d'explication qui détaille plus que ça. Tandis que dans la narration qu'on est en train de lire maintenant, eh bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a rajouté, yabtari bidhalika wajhallah. C'est-à-dire, il recherche par le fait de dire cette parole uniquement le visage d'Allah. Et ça, c'est qu'est-ce qui vient, limiter le hadith. Donc, le hadith de Itban, il vient limiter et restreindre le sens, et la compréhension du hadith de Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, parce que il faut que la personne qui dit la ilaha illallah ait l'intention, de plaire à Allah seulement et de rechercher le visage d'Allah seulement. Donc il faut qu'il dise cette parole avec ikhlas, avec pureté d'intention, avec sincérité, et il ne doit pas, en prononçant cette parole, avoir des désirs de la dunya ou convoiter des choses de la dunya ou le dire dans le but d'espérer quelque chose de la dunya, comme par exemple, juste pour vous donner un exemple qui arrive souvent, par exemple, des gens qui deviennent musulmans, pour se marier avec une femme parce qu'ils sont tombés amoureux, donc ils veulent absolument se marier avec une femme et ils savent que pour pouvoir se marier avec cette femme, ils doivent se convertir à l'islam. Alors ils vont dire Ashhadu an la ilaha illallah, mais ils ne croient pas vraiment en la ilaha illallah. Alors dans ce cas-là, il n'a pas dit, il l'a pas dit en recherchant le visage d'Allah. Lam yabtari bidhalika wajh Allah. Celui qui dit la ilaha illallah uniquement parce qu'il veut être aidé par les musulmans financièrement. Si par exemple il dit on voit ça beaucoup par exemple dans certains pays lorsque les gens font par exemple ils mendient, ils vont dans la rue pour mendier ou des choses comme ça, ils savent que les musulmans sont plus généreux et qu'ils donnent plus que les autres, et si on marche dans la rue puis qu'on voit par exemple une femme qui est voilée, qui est par terre en train de demander de l'argent ou de l'aide, le musulman en général il est touché par ça, donc il va se sentir obligé d'aider cette personne. Alors c'est des gens parfois ils font que porter un voile uniquement pour obtenir des dons ou obtenir de l'argent. En réalité ils sont même pas musulmans. Ça on a vu des exemples de ça beaucoup. Même ici à Montréal, j'ai vu ça. Une fois, j'ai même surpris une femme avec son fils et elle était devant un commerce juif, un commerce cachère juif, avec le truc que les femmes juives mettent sur leur tête, et elle a mis à son fils une kippa. Je l'ai vu le vendredi, le même vendredi, devant la mosquée avec un voile, puis elle était habillée comme une femme musulmane. Alors que l'autre jour, elle était habillée comme une juive, elle demandait aux juifs. Donc, des gens comme ça, si tu leur dis, est-ce que tu es musulmane? Elle dit, oui, je suis musulmane. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Donc, elle dit ça uniquement parce qu'elle veut de l'argent. Donc si son intention c'est ça, c'est certain que ce témoignage-là n'a aucune valeur et ne pourra pas la sauver de l'enfer parce qu'elle ne l'a pas dit en recherchant par cela le visage d'Allah. Donc ça c'est le témoignage des munafiqin, al-munafiqoun, ceux qui disent la ilaha illallah mais pas pour Allah, uniquement pour obtenir quelque chose de la dunya ou par ostentation ou bien pour se faire entendre, et en fait dans leur cœur ils n'y croient pas. Peut-être que nous on sait pas, peut-être que nous on sait pas que la personne est un munafiq, parce que le nifaq c'est dans le cœur, mais Allah il sait qu'il est munafiq. Et il dit également que cette parole de la ilaha illallah, ce n'est pas suffisant que quelqu'un se limite uniquement à dire le nom d'Allah seulement. Comme par exemple certains soufis, lorsqu'ils font le dhikr, ils disent Allah, Allah, Allah, Allah. Et ils le prononcent comme ça des milliers de fois, hein, en groupe, parfois même avec des instruments de musique, et ils pensent que ça c'est du dhikr, hein. Et parfois même certains, ils disent les élites, hein, les élites, c'est-à-dire ceux qui sont al-khawas, hein, ceux qui ont atteint la perfection dans l'adoration, qui ont atteint Allah, ils n'ont plus besoin même de dire la ilaha illallah, ni de dire Allah, ils peuvent se limiter à dire le pronom hu. Donc ils s'assoient puis ils disent ça entre hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu, hu. Mais là ils répètent ça comme ça. Vous avez déjà entendu ça? Oui, hein? Oui. Toi, t'as jamais entendu ça? Hein? Il y a beaucoup de soufis font ça, c'est ça leur dhikr. Ils s'assoient et hu, hu, hu, hu, hu, hu. Et ils font ça pendant des heures, puis ils pensent que ça c'est le meilleur dhikr. Ils disent que la ilaha illallah, hein, de dire la ilaha illallah, ils disent ça c'est le dhikr des awam, c'est le dhikr des gens ordinaires, des simples musulmans. Mais hu, ça c'est le dhikr des khawas, il y en a les gens, les élites dans la foi, la crème de la crème, ceux qui ont atteint des degrés de sainteté et qui n'ont plus besoin de selon eux de prier ou de jeûner ou de faire des bonnes œuvres, parce qu'ils ont déjà atteint Allah, ou ils ont atteint la certitude, comme ils disent. Donc tout ça c'est des mensonges, yani. Allah musta'an. Donc le cheikh il dit, celui qui dit ça seulement, ça c'est pas du dhikr. Et il dit, il n'a pas fait ce qui était exigé de sa part, hein. Il faut qu'il dise la parole au complet, la ilaha illallah, hein. C'est comme j'avais entendu une explication de certains soufis qui dit, il veut pas dire la ilaha illallah parce que il a peur que s'il commence à dire la ilaha puis qu'il meurt au moment où il a dit la ilaha, il dira, si je meurs en disant la ilaha puis là après la ilaha je meurs, je vais aller en enfer parce que j'ai fait la négation d'Allah, hein. Comme si j'ai dit qu'il y a rien qui, il y a pas de ilaha. Il n'y a pas de divinité. Et donc, les ulama, ils ont réfuté ça. Ils ont dit, mais Allah, il le sait que tu avais l'intention de compléter la phrase si tu es mort à ce moment-là. Donc, pourquoi tu penses que le fait d'être mort à cet endroit-là ou après avoir dit là et là, ça va te faire aller en enfer, hein? Innama al-a'malu binniyat. Les actions sont par les intentions. Donc si quelqu'un a l'intention de dire la ilaha illallah, puis il commence, et il dit la ilaha, puis il meurt à ce moment-là, Allah ne va pas le mettre en enfer pour ça. Hein? Au contraire, parce qu'il sait qu'il allait compléter cette parole. Ils disent ça. Il y en a qui disent, nous on préfère juste dire Allah. Et il y en a qui disent même, on n'a pas le temps de dire Allah, il faut dire hu. Comme ça, c'est plus rapide. Hein? Ho, ho. Ouais. Yani, tout ça, c'est des bêtises. Il y a un cheikh qui disait ça, ça ressemble plus à un jappement de chien que à un dhikr. Hein? Ça n'a rien à voir avec le dhikr. Et le cheikh, il dit ensuite, en expliquant la suite du hadith, Cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit, وَهَذَا هُوَ حَقِيقَةُ مَعْنَاهَا الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ هَذِهِ الْكَلِمَةِ. Donc il dit, c'est ça la réalité de sa signification, hein, et qui c'est ce qu'indique cette parole des sens de la sincérité, de la pureté d'intention, de la négation du shirk, hein, de la sincérité par rapport à la prononciation de cette parole. Il dit que les deux sont reliés ensemble, la véracité et la sincérité. Quand tu l'as dit cette parole, tu dois être véridique et tu dois être sincère. Et des fois les frères ils posent la question, c'est quoi la différence entre al-sidq et al-ikhlas, hein? C'est quoi la différence entre la véracité et la sincérité? Le cheikh il dit, ces deux choses là sont interreliées, tu peux pas avoir l'une sans l'autre, il faut que les deux soient présentes, hein? Qu'est-ce que ça veut dire? La véracité, c'est ce qui vient en opposition avec l'hypocrisie. Et al-ikhlas, c'est ce qui vient en opposition avec le shirk. Donc c'est par le fait de regarder les contraires de ces termes que tu viens à comprendre l'implication de ces deux sens-là. Donc, le Cheikh Al-Fawzan, il explique justement, il dit « As-sidqu yunafi al-nifaq, wal-ikhlasu yunafi al-shirk, wa-la-budda minha jami'an. » أي الصدق والإخلاص في هذه الكلمة فمن قالها وهو يشرك بالله لم تنفعه لا إله إلا الله ومن قالها وهو لا يقصد بها وجه الله كالمنافقين لم تنفعه لم تنفعه لا إله إلا الله. Donc le Cheikh il dit, parce que des fois ça fait partie des conditions de la ilaha illallah, et parfois les ulama il mentionne les conditions de la ilaha illallah et on traduit parfois al-sidq par la sincérité et on traduit parfois al-ikhlas par la sincérité. Donc quand les frères ils étudient les conditions de la ilaha illallah, ils demandent parfois c'est quoi la différence entre al-sidq ou al-ikhlas, parce que les deux mots sont très proches en français dans la traduction. Alors les ulama ils clarifient chaque condition de la ilaha illallah par leur contraire. Al-ilm al-munafi lil-jahl. Al-sidq al-munafi lil-kadhib wal-nifaq. Wa al-ikhlas al-munafi lil-shirk. Donc, comme ça facilite la compréhension et tu arrives à comprendre de quoi il s'agit exactement. Donc ici, il dit, al-sidq, c'est ce qui vient en contradiction avec l'hypocrisie, al-nifaq. Et al-ikhlas, c'est ce qui vient en opposition avec le shirk, le fait de donner à Allah des partenaires, des associés, d'adorer d'autres avec Allah. Et il dit, il faut donc avoir les deux ensemble obligatoirement. C'est-à-dire, tu dois être sincère dans ta prononciation de la ilaha illallah et tu dois avoir à l'ikhlas lorsque tu prononces cette parole, dans le sens que lorsque tu l'as dit, tu ne fais pas de shirk avec Allah. Parce que si tu dis la ilaha illallah alors que tu es en train de commettre le shirk, eh bien ça ne te profitera pas, tu ne pourras pas profiter de ça. De même que si tu dis la ilaha illallah alors que tu le dis dans le but de yani tromper les croyants, ou bien parce que tu as une autre intention mais tu le dis pas pour Allah, alors dans ce cas-là ça ne te sera pas non plus profitable parce que tu n'as pas été sincère et tu mens dans ton témoignage. Ensuite le cheikh il dit, le Cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan, il dit فَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُخْلِصًا فَهُوَ مُشْرِكْ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ صَادِقًا فَهُوَ مُنَافِقْ وَالْمُخْلِصْ أَنْ يَقُولَهَا مُخْلِصًا مُخْلِصًا الْإِلَهِيَّةِ لِمَنْ لَا يَسْتَحِقُّهَا غَيْرُهُ وَهُوَ اللَّهُ وَهَذَا وهذا التوحيد هو أساس الإسلام الذي جاء به الخليل عليه السلام ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. Donc qu'est-ce que ça signifie ça? Le Cheikh Abd al-Rahman ibn Hassan il dit ici que celui qui ne l'a dit pas avec ikhlas c'est un mushrik, il a commis le shirk avec Allah, et celui qui ne l'a dit pas avec sidq, celui qui ne l'a dit pas avec sidq, c'est un munafiq. Et le mukhlis, le mukhlis, c'est celui qui l'a dit en purifiant l'adoration pour celui que personne d'autre que lui ne mérite. Cette adoration-là, c'est Allah. Il l'a dit pour purifier son adoration pour celui qui est le seul à la mériter. Et que personne d'autre que lui la mérite, cette adoration-là, c'est qui? C'est Allah. Et ce tawhid-là, c'est la base de l'islam. Et c'est ça que Ibrahim al-Khalil il dit dans le verset 128 dans sourate al-Baqarah, lorsqu'il dit oh, notre Seigneur fait de nous deux, c'est-à-dire de lui et son fils Ismaïl, fait de nous deux des musulmans soumis à toi, ainsi que de notre progéniture une nation soumise à toi. Musulmane soumise à toi. Donc ça c'est ce que Ibrahim al-Khalil demande dans son dua. Et il explique, le Cheikh al-Fawzan il dit هذا الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله Il dit وَهُوَ دِينُ جَمِيعِ الرُّسُلِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَهُوَ دِينُ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ مِنْ أَوَّلِ الْخَلِيقَةِ إِلَى آخِرِهِمْ وَهُوَ دِينُ الْإِسْلَامِ الَّذِي لَا يَقْبَلُ اللَّهُ مِنْ أَحَدٍ سِوَاهُ قال تعالى وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Donc ici le cheikh il explique que c'est ça l'islam. La définition de l'islam, c'est le tawhid. De se soumettre avec Allah, pardon, de se soumettre à Allah en l'unifiant dans l'adoration et dans la croyance, et de se soumettre à lui par notre obéissance, et de se désavouer du shirk, tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, et de se désavouer de ceux qui le font, de ceux qui font le shirk, c'est-à-dire ceux qui adorent d'autres avec Allah. Et ça, c'est la religion de tous les messagers, alayhim salat wa salam, et c'est la religion de tous les musulmans, depuis le début de la création, depuis la première créature jusqu'à la dernière. Ils étaient tous sur la religion de l'islam, et la religion de l'islam, c'est la religion, dont Allah n'acceptera, aucune autre de quiconque. Allah n'acceptera aucune autre religion de quiconque parmi ses créatures, excepté l'islam, comme il le dit dans le verset 85, dans Sourate Al-Imran, il dit, et quiconque cherche autre que l'islam comme religion, elle ne sera pas acceptée de lui, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants, parmi les perdants. Le verset suivant que le cheikh a cité, c'est le verset 79 dans Surat Al-An'am. Le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il dit وَقَالَ الْخَلِيلِ عَلَيْهِ السَّلَامِ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. C'est-à-dire que ici Allah subhanahu wa ta'ala, il cite dans le verset 79 dans Surat Al-An'am la parole d'Ibrahim alayhi salam qui dit « Je tourne mon visage uniquement vers celui qui a créé les cieux et la terre en étant hanif. » En étant un hanif, c'est-à-dire en étant quelqu'un qui purifie son adoration et qui se tourne uniquement vers Allah et qui rejette tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. Et je ne suis point du nombre des mushrikin, je ne suis point du nombre de ceux qui donnent à Allah des partenaires et qui adorent d'autres avec Allah. Et le cheikh il dit ensuite, dans cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit que Al-Hanif, Hanifan yani mukhlisan, wa ma ana min al-mushrikin wa fihi al-bara'a min al-shirk wa ahlihi. Donc Hanifan, quand il dit Hanifan, ça, c'est synonyme, ou bien ça a le même sens de mukhlisan, c'est-à-dire de le faire avec ikhlas. Je me tourne uniquement vers Allah, celui qui a créé les cieux et la terre, avec ikhlas, en étant un hanif. Parce que le hanif, il est mukhlis. Tu ne peux pas être hanif et que tu n'es pas mukhlis. Ce n'est pas possible. Et il dit, « وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ » Et je ne suis point du nombre des mushrikines. Ça, c'est le désaveu. Al-bara'a. C'est-à-dire, tu dis, je me désavoue, c'est comme si tu disais aux gens, à l'humanité, à tout le monde, je n'ai rien à voir avec ces gens-là. Tous ceux qui font le shirk, je ne suis pas avec eux, je n'ai rien à voir avec eux, je me désavoue d'eux complètement. Ils ne sont pas avec moi et je ne suis pas avec eux. C'est ça que ça veut dire, al-bara'a. Lakum dinukum waliyadin. C'est-à-dire, tu dis aux mushrikines, vous avez votre religion, moi j'ai la mienne. Vous faites le shirk, moi j'adore Allah, je suis sur le tawhid. À vous le shirk, à moi le tawhid. C'est ça que ça veut dire. Et le cheikh, on lui a posé une question aussi, au cheikh Al-Fawzan ici, hafidhahullah. Su'ila cheikhuna hafidhahullah, hal hunaka farqun bayna qawlina al-khulus min al-shirk wa ahlihi, wa bayna qawlina al-bara'atu min al-shirk wa ahlihi. فأجاب الأصح البراءة البراءة من الشرك وأهله لأنها صريحة أما الخلوص ليس صريحا في البراءة انتهى كلامه. Donc ici le cheikh il dit que est-ce qu'il y a, on lui a posé la question, est-ce qu'il y a une différence entre le fait de dire al-khulus min ash-shirk wa ahlihi, c'est-à-dire de se débarrasser du shirk et des gens du shirk, et le fait de dire al-bara'atu min ash-shirk wa ahlihi, c'est-à-dire le désaveu vis-à-vis du shirk et des gens qui font le shirk. Et le cheikh, il dit, qu'est-ce qui est plus correct des deux expressions? C'est al-bara'ah, le désaveu, parce que c'est plus explicite et plus clair en ce qui concerne le fait de se désavouer, hein, du shirk et de ceux qui le font. Tandis que al-khulus, c'est moins explicite. Hein? Ça n'exprime pas de façon aussi claire le désaveu vis-à-vis du shirk et des mouchriquins. Ensuite, le cheikh Abdurrahman ibn Hassan, il continue et il dit والحنيف هو الذي ترك الشرك رأسا وتبرأ منه وفارق أهله وعادهم وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده لا شريك له. Et il dit كما قال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى فالإسلام فإسلام الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك وهو معنى الآية ونحوها إجماعا فهذا هو الذي ينفعه فهذا هو الذي فهذا هو الذي ينفعه قوله لا إله إلا الله ولهذا قال تعالى فقد استمسك بالعروة الوثقى وهذا بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أو غائب لا ينفع ولا يضر كما ترى عليه أكثر الخلق فهؤلاء وإن قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيا وإثباتا والجاهل بمنعها وإن قالها فإنها لا تنفعه لجهله بما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي الشرك وذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له فإذا انتفى اليقين وقع الشك. Donc ici le cheikh il explique que le hanif c'est celui qui a abandonné complètement le shirk et qui s'en est désavoué de façon complète et qui s'est séparé des gens qui font le shirk et qui les a pris même en ennemi, hein, qui les a pris en ennemi, hein. Il dit, ô vous qui faites le shirk, hein, vous êtes mes ennemis, je me désavoue de vous, hein, il s'est séparé de eux, et il se désavoue d'eux. Et il purifie ses œuvres intérieures et extérieures pour Allah seul. C'est ça la définition du hanif. Et ça c'est ce qui est exprimé dans le verset dans Sourate Luqman, le verset 22, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit et quiconque soumet son visage ou bien quiconque a soumis son visage à Allah, hein, alors qu'il est muhsin faqad istamsaka bil urwati al wuthqa, il s'est donc accroché par l'anse la plus solide. Et le cheikh il explique ici 22, Sourate Luqman, verset 22. Le Cheikh, il explique le verset. Cheikh Al-Fawzan, il dit وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ هَذَا هُوَ التَّوْحِيد. Celui qui a soumis son visage à Allah seul, c'est-à-dire qui a purifié son adoration pour Allah seul. C'est ça, l'expression du tawhid. وَهُوَ مُحْسِنٌ. Ici, Al-Ihsan, il s'agit de faire les adorations de la meilleure façon. et c'est-à-dire de suivre l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc le cheikh il dit wa man yuslim wajhahu ila Allah hadha huwa at-tawhid wa huwa muhsin ay muttabi'un lirrasul sallallahu alayhi wa sallam fa hadha fihi sharta qubul al-amal وهما الإخلاص والمتابعة لا بد من هذين الشرطين الإخلاص في قوله ومن يسلم وجهه إلى الله والمتابعة في قوله وهو محسن فالإحسان هو المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم وهذا ينفي البدع والمحدثات والخرافات فلا يعبد الله إلا بما شرعه الرسول sallallahu alayhi wa sallam wa ma wafaqa sunnah. Donc le cheikh il dit donc quiconque soumet son visage à Allah, ça c'est le tawhid, et il est muhsin, il est bienveillant, il adore son Seigneur avec excellence, avec perfection. C'est ça al-ihsan. Il dit le cheikh ici, ça implique le fait de suivre le messager sallallahu alayhi wa sallam dans son exemple et dans son adoration, et ces deux choses là sont les conditions de l'acceptation de nos œuvres. Il faut, pour que nos œuvres soient acceptées d'Allah, qu'elles soient faites avec ikhlas, avec pureté et sincérité pour Allah seul, et qu'elles soient exemptes de shirk, et elle doit être également, la deuxième condition, en accord avec ce que le messager sallallahu alayhi wa sallam a enseigné selon sa sunnah. Donc ça c'est al-mutaba'a, le suivi du messager sallallahu alayhi wa sallam. Donc on voit comment ce verset résume les deux conditions réunies ensemble. Wa man yuslim wajhahu, ça c'est al-ikhlas, hein, wa man yuslim wajhahu ila Allah, et al-mutaba'a wa huwa muhsin. Donc al-ihsan, hein, c'est-à-dire ça c'est la façon dont tu adores Allah avec excellence, avec perfectionnement, et ça c'est le fait de suivre l'exemple du messager sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est ce qui vient contredire également les innovations, les choses inventées dans la religion et les superstitions et les choses, hein, qui n'ont aucun fondement dans la religion. Donc si quelqu'un adore Allah par des bid'a, eh bien on va lui dire ton œuvre elle n'est pas valable parce qu'elle n'est pas en accord avec la sunna du messager, hein? Donc il faut que lorsque tu fais une action, tu le fasses uniquement pour Allah et que tu la pratiques uniquement de la manière que le messager sallallahu alayhi wa sallam a légiféré, hein, et qui est en accord avec la sunna. C'est quoi les deux conditions de la validité de nos œuvres? Si tu peux les mentionner, je veux juste vérifier que tu as bien compris. Qu'est-ce qu'on est en train d'expliquer? Les deux conditions pour que nos œuvres soient acceptées d'Allah qu'on vient d'expliquer. C'est quoi? Ok. Et la deuxième? Ok. Al-Ihsan. Al-Ikhlas, tu l'as dit. Et Al-Ihsan, ici, ça veut dire quoi? Sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est la deuxième condition. Barakallahu fik. Donc c'est quoi la preuve? Si tu te souviens, est-ce que tu te souviens le verset qu'on a dit? Qu'est-ce que c'était? Ouais, tu l'as. Wa man yuslim wajhahu ila Allah fa huwa muhsinun faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa. Barakallahu fik. Ça veut dire que tu étais attentif. Hein? C'est des fois on a l'air dans la lune, mais on est notre subconscient il est concentré, il est là, il enregistre, hein? Mais c'est oui. Tafaddal, tafaddal. Les degrés, tu veux dire l'islam ou l'iman ou l'ihsan? Non, non, non, parce que les ulama, ils les expliquent que les termes comme al-iman ou al-islam ou al-ihsan, يعني بينهما بينهم بينها عموم وخصوص إذا افترقت اجتمعت وإذا اجتمعت افترقت فإذا اجتمعت في نص واحد فتفترق في المعنى. وإذا افترقت يعني في نصوص مختلفة, يعني مثلا تجد في نص يعني لا يذكر إلا الإحسان مثلا, يعني حينئذ اجتمعت المعنى في هذه الكلمة. فهنا مثلا الله سبحانه وتعالى ذكر الإحسان, فمعنى ذلك أن المعاني كلها تجتمع, معاني الإسلام والإيمان والإحسان تجتمع فيه. Donc ça implique tous les degrés de la religion, y compris يعني l'islam والإيمان et l'ihsan. Donc c'est ça la règle que les ulama ils mentionnent. Si tu trouves le terme mentionné dans un hadith tout seul, eh bien ça comprend les significations des autres. Et si tu trouves que les différents termes sont mentionnés dans le même texte, comme par exemple le hadith de Jibril, alors dans ce cas-là, chacun d'entre eux aura une signification différente. D'accord ? Oui, c'est ça. Donc ici, dans le verset « وَهُوَ مُحْسِنٌ » eh bien, ça comprend le fait d'être, bien entendu, muslim, mu'min et muhsin, les trois ensemble. Mais en même temps, ici, de façon plus spécifique, le sens de « al-ihsan », on sait que ça veut dire يعني الذي يتقن العمل الذي يعمل العمل كأن الله يراه, فالذي يعمل العمل كأن الله سبحانه وتعالى يراه كيف سيفعل, كيف سيكون عمله, سيكون على السنة وسيكون في أعلى درجة الإتقان, لأنه يعرف أن الله سبحانه وتعالى يراه أو أنه هو كأنه يرى الله سبحانه وتعالى أمامه. فهذا Oui, non, c'est ça. Oui, on peut dire al-iman ou al-ihsan, je comprends. C'est la perfection, c'est le niveau de la perfection. De la perfection, oui. Et naam. Exactement, exactement. Donc, c'est ça la signification, en fait. C'est pour ça que lorsque on a traduit, par exemple, le livre de Al-Usul al-Thalatha, on a justement traduit. Le degré de Al-Ihsan, on l'a traduit par le perfectionnement de la foi. Et donc le cheikh il explique par la suite. Oui. En fait, ça dépend des. Ça a rapport avec tous les textes. Pas seulement ces textes-là, mais en même temps, ça a rapport avec certains termes qui sont synonymes. Ou qui peuvent être parfois synonymes, mais parfois ils ne sont pas synonymes. C'est ça en fait que ça veut dire. C'est comme si les ulama ils expliquent que le terme ihsan, islam, ihsan, islam, iman et ihsan, dans certains cas ils sont synonymes. Dans certains cas ils ne sont pas synonymes. Quand est-ce qu'ils sont synonymes? C'est quand ils sont mentionnés individuellement. Comme par exemple, ils sont mentionnés individuellement dans un seul texte. Alors tu trouves par exemple dans un texte que Allah il mentionne seulement l'Iman ou l'Mu'minin, ou il mentionne seulement l'Islam et l'Muslimin, ou il mentionne seulement l'Ihsan ou l'Muhsinin. Alors les ulama disent dans ce cas-là, il n'est pas synonyme. Dans ce cas-là, il est synonyme, ça veut dire qu'il a le même sens que les autres. Il comprend la globalité de tout ce que ces termes signifie en même temps. Oui, c'est ça. Et la même chose aussi pour le terme taqwa ou al-birr. Par exemple, les ulama ils mentionnent comme exemple laysa al-birra an tuwallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghribi walakin al-birra man amana billahi wal-yawm al-akhir wal-mala'ika. En tout cas, il y a toute l'énumération de qu'est-ce que signifie al-birr. Puis quand tu regardes le sens complet, tu vois que yani, ça renferme la religion tout entière. Et at-taqwa, c'est la même chose aussi. Donc, les termes comme ça, quand ils sont mentionnés séparément, on va dire ils ont une signification. Quand ils sont mentionnés ensemble dans le même texte, ils ont une signification différente. Quand ils sont mentionnés séparément dans des textes différents, et ils sont mentionnés individuellement tout seuls, alors là, on va dire, ils englobent le sens général de tous ces termes. hein? Et comme par exemple al-faqir wa al-miskin, hein? Dans certains versets Allah mentionne seulement al-fuqara, et dans d'autres versets il mentionne seulement al-masakin, et dans certains versets il mentionne les deux, al-fuqara ou al-masakin. Alors est-ce que c'est les deux dans ce cas-là des synonymes? Quand il dit al-fuqara ou al-masakin, innama as-sadaqatu lil-fuqara wal-masakin. Donc est-ce que al-fuqara c'est une répétition, est-ce que al-masakin c'est une répétition du mot fuqara, ou bien ça a un autre sens? Alors dans ce cas-là ça a un autre sens. Pourquoi? Parce que yani les ulama ont expliqué que quand ils sont mentionnés ensemble, ils ont des sens différents. Mais s'ils sont mentionnés séparément, eh bien là ils sont synonymes, ils ont le même sens. C'est ça que ça veut dire, hein? Non. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais dire ensuite? Ah oui, c'est ça. Il dit fa islam wajh, hein, islam al-wajh huwa ikhlas al-ibadati al-munafi lish-shirk wa huwa ma'na al-aya wa nahwaha ijma'an. Fa hadha huwa alladhi yanfa'uhu qawluhu la ilaha illa Allah. Hein? Wa li hadha qala ta'ala faqad istamsaka bil-urwati al-wuthqa. Hein? Donc il dit le cheikh que le fait de soumettre notre visage, ça implique de purifier notre adoration avec ikhlas, qui vient en opposition avec le shirk. Donc tu purifies ton adoration pour Allah seul, donc ça veut dire que tu opposes le shirk, tu contredis le shirk. Et c'est ça la signification du verset ici, hein? Et les versets qui sont dans le même sens que celui-là, c'est ça, le consensus est que c'est ça la signification de ce verset-là, hein, de purifier notre adoration pour Allah seul et de s'opposer au shirk ou de contredire le shirk. Et la personne qui a soumis son visage à Allah, c'est-à-dire qu'il a prononcé cette parole de la ilaha illallah avec ikhlas et qui a purifié ses adorations pour Allah seul et qui a renié le shirk, c'est cette personne-là pour qui le fait de prononcer et de dire la ilaha illallah sera bénéfique et profitable. C'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans le verset faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, c'est-à-dire cette personne-là s'est accrochée par l'anse, hein, la plus solide, la plus fiable, hein. Et le cheikh il dit yani hada, hein, man qala la ilaha illallah hada huwa alladhi yanfa'uhu qawluhu la ilaha illallah idha kana mukhlishan muhsinan yani hada huwa alladhi yanfa'uhu la ilaha illallah. Donc si la personne est sincère, elle purifie son adoration pour Allah, elle le fait en accord avec la sunna, alors dans ce cas-là son témoignage sera de la ilaha illallah sera profitable et bénéfique, hein? Et à propos du verset faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, comme dans le verset 256, hein, dans sourate al-baqara et le sourate luqman qu'on a lu tout à l'heure, hein, faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa, il dit le cheikh al-urwati al-wuthqa hiya la ilaha illallah, hein, hadhi kalimatun tusamma لا إله إلا الله هذه الكلمة تسمى لا إله إلا الله وتسمى الإخلاص وتسمى التوحيد لها عدة أسماء. Donc il dit cette parole, hein, de la ilaha illallah, on peut l'appeler par différents noms. On peut l'appeler al-urwatu al-wuthqa, c'est l'anse la plus solide. On peut l'appeler également la ilaha illallah, on peut l'appeler al-ikhlas, on peut l'appeler al-tawhid, hein, elle a plusieurs noms. La parole de la ilaha illallah, elle a plusieurs façons plusieurs titres, plusieurs noms par lesquels on peut le désigner. Et il dit bikhilaf, wa hadha bikhilaf man yaquluha wa huwa yad'u ghayra Allah. Contrairement à la personne qui va dire cette parole de la ilaha illallah alors qu'il invoque d'autres que Allah en même temps, hein, ou bien qu'il appelle au secours des morts, hein, il appelle des morts pour venir à son secours, ou il appelle des gens qui ne sont pas présents, hein, qui sont ailleurs, hein, qui ne sont pas présents avec lui, pour lui venir en aide et pour le secourir. Il dit donc ça, le fait que cette personne lui dise la ilaha illallah, hein, cette personne là elle fait le shirk en même temps, ça ne va pas lui être profitable. Et si la personne elle appelle un mort, pour lui venir au secours, elle a annulé son témoignage. De même que si elle appelle quelqu'un qui est absent, hein, quelqu'un qui n'est pas présent avec lui, puis cette personne ne pourra ni lui profiter, ni lui faire du tort. Donc, il a commis, c'est clair que cet acte-là, ou cette action-là, c'est shirk. Et le Cheikh Al-Fawzan, il explique ça, il dit وكثير ممن يقولون لا إله إلا الله الآن لا يخلصون لله عز وجل وإنما يدعون غيره من الأموات والقبور وهي شغلهم الشاغل التعلق بالمخلوقين والأولياء والصالحين وهم يقولون لا إله إلا الله فما تنفعهم لأنهم لم يخلصوا. Donc le Cheikh il dit, beaucoup de gens parmi ceux qui disent la ilaha illallah aujourd'hui, ils ne purifient pas, hein, ils ne purifient pas leur adoration pour Allah seul, mais ils ne font que invoquer des morts, des tombes, hein, d'adorer des tombes, et c'est ce qu'ils, yani c'est la seule chose qu'ils s'occupent à faire, c'est la seule chose qu'ils font. Ils s'accrochent à des créatures, à des hommes pieux, à des saints, et ils disent la ilaha illallah, mais il dit le cheikh, ça va pas leur servir et ça sera pas profitable pour eux, parce qu'ils n'ont pas eu al-ikhlas, ils n'ont pas purifié leur adoration pour Allah seul. Ensuite le cheikh il explique, il dit donc كما ترى عليه اكثر الخلق فهؤلاء وان قالوها فقد تلبسوا بما يناقضها فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها ونفيا وإثباتا. Donc il dit, tu vois beaucoup de gens aujourd'hui, hein, ils disent la ilaha illallah, mais même s'ils disent la ilaha illallah, ils font des choses qui viennent en opposition avec la ilaha illallah en même temps et qui détruisent la ilaha illallah. Alors cette parole là ne leur sera pas profitable, excepté s'ils ont la connaissance de ce que cette parole là implique et qu'est-ce qu'elle indique, que ce soit par la négation ou par l'affirmation. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle affirme et qu'est-ce qu'elle nie, cette parole. Il faut qu'ils le sachent et qu'ils le comprennent et qu'ils l'appliquent. Hein? Et le Cheikh, il dit ici, Cheikh Al-Fawzan, لِأَنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَعْمَلَ بِمُقْتَضَاهَا إِلَّا إِذَا عَلِمَ مَعْنَاهَا وَلِهَذَا قَالَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وقال سبحانه وتعالى إلا من شهد بالحق وهم يعلمون فقوله شهد بالحق أي قال لا إله إلا الله وهو يعلم أي يعلمون معناها إلا فكيف يعتقدها ويعمل بمقتضاها وهو لا يعلم معناها هذا لا يمكن. Donc le Cheikh explique en fait une autre condition parmi les conditions importantes de la ilaha illallah ici, c'est qu'il faut avoir la connaissance de la signification de la ilaha illallah quand on le dit, parce qu'il dit sinon tu ne pourras pas agir selon ce qu'implique cette parole si tu ne connais pas sa signification, hein? Et beaucoup de gens aujourd'hui parmi les musulmans, ils interprètent la ilaha illallah par la rububiyya. Donc ils pensent que la ilaha illallah, c'est d'affirmer que Allah existe et qu'il est unique, et que la contradiction de la ilaha illallah, c'est de dire, hein, qu'il n'existe pas, ou hein, qu'il y a d'autres divinités avec lui, d'autres dieux avec lui qui ont créé l'univers. Hein. Mais en ce qui concerne l'adoration et d'adorer d'autres que Allah, pour eux, ça c'est pas un problème. Parce que du moment que tu crois qu'il existe et qu'il est unique, c'est suffisant. Hein? Donc même si tu fais du shirk avec Allah en adorant d'autres que lui, pour eux ça c'est pas grave, hein? Allahul Musta'an. Donc ça veut dire qu'ils n'ont pas compris la signification de la ilaha illallah. C'est pour ça que si tu poses la question par exemple au Jamaat Tablir, ou bien tu poses la question au Ikhwan et à ces gens là qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, ils te disent yani, ça veut dire que Allah c'est le seul créateur, le seul maître de l'univers, le seul qui a tout créé et qu'il est unique. Hein? Donc tu lui dis oui, mais ça c'est pas le tawhid, ça c'est pas la ilaha illallah, ça c'est une signification de la rububiyya. Et même les mushrikins de Quraysh, ils disaient ça, ils croyaient en ça, et ça ne les a pas sauvés de l'enfer. Et la même chose pour les ikhwan, tu leur demandes c'est quoi la ilaha illallah, ils disent la même chose parfois, ils disent ça veut dire qu'il est le seul créateur, qu'il est unique. Et puis des fois il y en a qui vont rajouter par exemple, qui vont dire c'est la hakimiyya, hein, la hakima illallah, que c'est lui le seul juge, le seul maître, hein, c'est lui seul qui a le droit de légiférer, hein. Et ils pensent que c'est ça la signification de la ilaha illallah. Puis quand ils voient des gens faire du shirk et adorer les tombes, prier à des morts, ils disent non, ça c'est pas grave, hein, c'est pas du shirk. Ça c'est pas du shirk. Donc pour eux c'est la hakimiyya, hein, qui est le plus important. Et pour les soufis et les tablir, hein, c'est al-khalq al-rububiyya. Ils pensent que c'est ça la signification de la ilaha illallah. Alors ils se permettent de laisser les gens faire le shirk et d'adorer des tombes et des morts, et ils pensent qu'ils ont établi la ilaha illallah, hein. Donc ils n'ont pas compris la vraie signification de la ilaha illallah. Et c'est pour ça que, hein, le shaykh il dit, tu ne peux pas de toute façon même appliquer cette parole et qu'est-ce qu'elle implique, excepté si tu connais sa signification. Et c'est pour ça que ici Allah subhanahu wa ta'ala il dit, sache que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, et demande pardon pour ton péché. Le shaykh il dit donc ça veut dire que Allah il ordonne, hein, de connaître en premier. Fa'alam, fa'alam, le verbe impératif, hein, qui Allah ordonne aux gens de connaître, hein, de savoir la ilaha illallah. Ça implique de connaître sa signification. Et dans l'autre verset, qui est le verset 86 dans sourate Az-Zukhruf, Allah subhanahu wa ta'ala dit illa man shahida bil haqq, hein, illa man shahida bil haqq, al haqq c'est la ilaha illallah, wa hum ya'lamun, alors qu'ils savent qu'est-ce que ça signifie, ils comprennent sa signification et ils savent sa signification et ils agissent selon ce que cette signification là implique. Donc si quelqu'un ne connaît pas la signification et ne connaît pas ce que ça implique, il ne peut pas le mettre en application et agir selon ce que cette signification là implique. Alors il faut la connaître, hein. Sourate Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le verset 19, fa'alam annahu la ilaha illallah. Et c'est de ça que Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, dans Al-Usul al-Thalatha, il a dit, ça c'est la preuve qu'il faut avoir la science avant les actions et les paroles. Al-ilm qabla al-qawli wal-amal. L'imam al-Bukhari, il a dit, hein, la preuve qu'il faut avoir la parole avant, il faut avoir la connaissance avant la parole et l'action, c'est ce verset-là. Fa'alam annahu la ilaha illallah wa astaghfir li dhanbik. Hein? Et le cheikh il dit ensuite, والجاهل بمعناها وإن قالها فإنها لا تنفعه لجهله بما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها من نفي الشرك. وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن له فإذا انتفى اليقين وقع الشك. Donc le cheikh il dit ensuite que égal. Donc l'ignorant, celui qui ne connaît pas la signification de la ilaha illallah, même s'il dit la parole, ça ne lui sera pas profitable, hein, à cause du fait qu'il est ignorant de ce pourquoi, hein, yani, cette parole-là a été établie. Et comment étaient les Arabes, hein, à l'époque où le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu pour leur enseigner de dire cette parole, hein. Et qu'est-ce qui a été voulu de la part de ceux à qui on a demandé de dire cette parole comme négation du shirk, hein? Et il dit le cheikh Walihad, cheikh Al-Fawzan, hafizahullah, il dit Walidhalika, ubbad al-qubur yajhaluna ma'naha, fasaru ya'buduna al-qubur, fa'afatuhum al-jahl, hein? Il dit, c'est pour ça que beaucoup d'adorateurs de tombes à notre époque, ils connaissent pas la signification de la ilaha illallah. N'importe quel musulman qui adore des morts et des tombes et qui prie à des tombes ou à des saints, si tu lui demandes, dis-moi, explique-moi la phrase ou la parole la ilaha illallah, explique-moi qu'est-ce que ça signifie, hein? Va les voir ces gens-là qui font du shirk et qui adorent les morts et les tombes, et qui disent la ilaha illallah, va les voir puis demande-leur, qu'est-ce que ça veut dire la ilaha illallah, explique-moi la signification de la ilaha illallah, et tu vas voir, ils ne savent pas ce que ça veut dire. ou bien ils vont te donner une définition qui est fausse. Donc, à cause de leur ignorance de la signification réelle de la ilaha illallah, ils se sont permis d'adorer des tombes. Et tout ça, c'est à cause de l'ignorance qu'ils ont de la signification de la ilaha illallah, qui signifie que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Comment tu peux dire rien ne mérite d'être adoré excepté Allah, puis après tu te tournes puis tu adores une tombe? Tu viens de faire le contraire. Hein? Je te dis, par exemple, personne ne doit conduire sa voiture, hein, excepté s'il a des lunettes. Toi, tu enlèves tes lunettes, puis tu vas conduire ta voiture. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as un problème. Il y a un problème, tu n'as pas compris quelque chose. Hein? Tu fais le contraire de ce que tu dis. Hein? Ça veut dire que tu n'as pas compris quelque chose. Tu fais le contraire. On t'a dit, il n'y a rien qui mérite d'être adoré excepté Allah. Et toi, tu t'en vas, puis tu t'en vas prier à des tombes, à des morts, à des créatures, parmi les créatures qu'Allah a créées. Et tu te permets de les adorer. Ça veut dire que tu fais le contraire de ce que tu dis. Et à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu voir les Arabes de Quraysh qui faisaient du shirk, qui adoraient des idoles, et qui leur a dit, dites la ilaha illallah. Eux, ils ont compris que s'ils disent la ilaha illallah, ça implique qu'ils doivent cesser d'adorer les idoles. Parce que dans cette phrase-là, c'est comme si tu disais que rien ne mérite d'être adoré excepté Allah. Donc, rien ne doit être adoré, y compris les statues, les idoles, les saints, les morts, les tombes, les étoiles, les anges, les djinns, les prophètes, peu importe. Rien ne doit être adoré excepté Allah seulement. Eux, les mouchriquins des Arabes, quand ils ont entendu cette phrase-là, ils ont compris. Ils ont compris que ça voulait dire ça et que ça impliquait que ça. Alors ils ont dit, on ne va jamais dire ça parce que nous, on ne veut jamais arrêter d'adorer nos idoles. Et ils ont même préféré même combattre le prophète sallallahu alayhi wa sallam plutôt que dire cette phrase. Tandis que les gens d'aujourd'hui, ils disent, on va la dire mais on va faire le contraire. Hein? Donc ils disent la ilaha illallah. Puis quand ils ont un malheur, ils se tournent, ils appellent qui? Au lieu d'appeler Allah, quand ils ont un malheur ou une détresse ou un problème ou un danger, ils prient à qui? Ils prient à Ali, ils prient à Hussein, ils prient à Abdul Qadir, ils prient à Ahmed al-Tijani, ils prient à al-Rifa'i, ils prient à Ahmed Bamba, ils prient à je ne sais pas qui d'autre encore. Hein? Ils prient à Jésus, ils prient au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il crie, Ya Rasulallah, Arisna, Ya Tijani, Ya Shadili, Ya Jailani. Hein? Ils appellent des noms de créatures. Au lieu de demander que Allah, le créateur des cieux et de la terre, le Tout-Puissant, le maître de tout, hein, vienne à leur secours et pour les aider, demande l'aide de celui qui est le seul qui peut les aider. Au lieu de l'invoquer lui et de demander à lui seul, il demande à des créatures qui sont incapables de l'aider parce qu'ils sont mortes. Hein? Elles sont mortes, ces créatures. Hein? Quel prétexte? C'est ça. Des fois, ils les adorent comme en disant que c'est des intermédiaires ou des intercesseurs ou parce qu'ils sont proches d'Allah. Hein? Donc, quand tu as un malheur, tu es en train de te noyer dans la mer, hein, ou dans l'eau, ton bateau il a coulé, tu es en train de te noyer, puis là, tu appelles qui? Quand tu es en malheur, au lieu d'appeler Allah, tu appelles Abdul Qadir al-Jilani, ou bien Ahmed al-Tijani, ou bien Ali, ou bien Hussein, ou bien un autre parmi les hommes. Hein? Et subhanallah, qu'est-ce que tu penses qu'eux, ils sont capables de faire pour toi à ce moment-là, alors qu'ils sont absents, ils sont pas prêts, ils sont morts? Hein? Ça ne fait aucun sens. Le cheikh, ils disent la parole, mais ils font le contraire, parce qu'ils ignorent sa signification. Donc, cette parole ne leur sera pas profitable ou bénéfique, hein, à cause de l'ignorance qu'ils ont de la façon dont cette parole a été introduite, hein, pour nier le shirk. Et le cheikh, il dit de même que si, par exemple, quelqu'un connaît sa signification, il sait qu'est-ce que signifie la ilaha illallah, mais il n'a pas une certitude, il n'est pas convaincu en ce qu'elle signifie, alors son témoignage est renié, hein, et à cause de son doute, parce qu'il tombe dans le doute. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc le cheikh il dit فَلَا بُدَّ مِنَ الْعِلْمِ بَمَعْنَاهَا وَلَا بُدَّ مِنَ الْيَقِينِ وَقَدْ يَعْلَمُ الْإِنسَانِ الشَّيْءُ وَلَكِنْ لَا يَعْتَقِدُهُ فَلَا يَنْفَعُ الْعِلْمِ بِدُونِ اعْتِقَادِ. Donc il dit, il faut non seulement que la personne ait la connaissance, mais il y a une différence entre la connaissance et la foi. Quelqu'un peut connaître quelque chose et savoir que quelque chose est vrai. Mais le savoir, c'est une chose, et y croire, c'est autre chose. Donc, il faut non seulement que tu le saches, mais il faut que tu y crois, hein, avec certitude. Et donc, si tu n'y crois pas avec certitude, eh bien, ça ne sera pas profitable pour toi au jour de la résurrection, si tu dis « La ilaha illallah » et que tu n'y crois pas avec certitude. Donc il ne faut pas juste avoir le savoir et la connaissance, il faut aussi avoir la certitude. Donc tu dis cette parole-là sans avoir de doute. Donc comme vous avez constaté, on est en train d'expliquer les conditions de la ilaha illallah. Non. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, on continuera demain la suite, inshallah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.